place du tertre, vieille maison de Guingois. Charmante fresque, si pittoresque, des citoyens montmartrois. Sous tes feuillages, tes frais ombrages, où tout le monde est chez soi. Tout nous enchante, le présent chante, et l'avenir nous sourit. Place du tertre, joli grenier de Paris. Un orgue de barbarie, une mansarde fleurie, des vieux rapins, des poules beaux, c'est un tableau du Torino. Place du tertre, vieille maison de Guingois. Vivant emblème de la bohème qui ne connaît pas de loi. Toi qui découvres avant le Louvre tant de talents à la fois. Tu sais comprendre, tu sais défendre ceux qui n'ont pas réussi. Place du tertre, où bat le cœur de Paris. Place du tertre, vieille maison de Guingois. Dans tes ruelles, tout me rappelle le joli temps d'autrefois. Les capelines, les crinolines, on chiffonnait quelquefois. Dernier étage du cher village de Rodolphe et de Mimi. Place du tertre, mon grand balcon s'y repose.